Le 11 courant ont eu lieu les rassemblements de masse pour soutenir entièrement la déclaration gouvernementale de la République populaire démocratique de Corée aux provinces du Pyongan du Nord et du Sud, du Fangé du Sud et du Hamgyong du Sud. Y ont pris part les cadres des organismes du parti, du pouvoir et de l'économie, des organisations des travailleurs, des usines, des entreprises, des fermes et des grandes écoles et autres travailleurs, jeunes et étudiants des provinces. À la suite de la lecture de la déclaration gouvernementale de la République populaire démocratique de Corée, les orateurs ont soutenu entièrement la déclaration gouvernementale et condamné les machinations de sanctions scélérates des États-Unis et de leurs suivistes contre notre République. Ils ont souligné que tant qu'il y a la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un, la cause révolutionnaire du Tse triomphera à coup sûr en dépit des machinations absurdes des ennemis et que la vérité invariable, c'est que personne ne peut empêcher notre progrès. Ils ont affirmé que tous les militaires et civils coréens ont la ferme volonté d'infliger des coups mortels aux ennemis pour faire disparaître les États-Unis de la Terre s'ils osent attaquer la Corée. Ensuite, il y a eu les défilés de masse.